gueule, à ma gueule. J'ai le visage de mon père, mais le visage de vos peurs. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De la naissance au cercueil, j'ai la couleur du deuil. Suis-je coupable, suis-je fou? Mon existence n'est rien sans sou. Apprendre à lire dans vos regards entre les lignes. J'ai compris le rejet et le regret, pas dans les livres. Crois ma gueule. Je suis le point noir sur un albinos, le point sur un domino. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quand tu lis le mot étranger, y'a consonance étrange. Rien qu'incapable, je foire tout. Je suis à bout de force, je suis à genoux. Fils de lumière, né dans l'ombre, destiné à briller. Je viens éclairer les ténèbres, je vais les faire crier. La misère et la violence dans la ville. La question que je déteste, est-ce que j'ai raté ma vie? Je vois rien dans mon futur, car mon passé est obscur. À présent, je suis dos au mur. Je me rapproche du vide. Je connais la misère et la violence dans la ville. La question que je déteste, est-ce que j'ai raté ma vie? Je vois rien dans mon futur, car mon passé est obscur. À présent, je suis dos au mur. Je me rapproche du vide. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? T'es pas en deuil depuis la naissance. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Plus t'avances, plus t'es méfiant. Tu ne vis pas de drame, tu te crois où? Bébé, je crois que tu deviens fou. J'ai le visage bafoué, je contemple les cieux. Si je t'entourais mes morts, ce sera jusqu'aux cieux. Quoi ta gueule? Tes esquives et tes excuses. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Perds ton temps si ça t'amuse. Tu fais semblant tout le temps. Dieu t'a donné toutes tes chances. Depuis la puberté, je suis fatigué de vivre. Depuis ma liberté, je suis prisonnier à vie. La misère et la violence dans la ville. La question que je déteste, est-ce que j'ai raté ma vie? Je vois rien dans mon futur, car mon passé est obscur. À présent, je suis dos au mur. Je me rapproche du vide. Je connais la misère et la violence dans la ville. La question que je déteste, est-ce que j'ai raté ma vie? Je vois rien dans mon futur, car mon passé est obscur. À présent, je suis dos au mur. Je me rapproche du vide. Faut-il mourir pour me sentir vivre? Mourir pour me sentir vivre. Mourir pour me sentir vivre. Mourir pour me sentir vivre. Je connais la misère et la violence dans la ville. La question que je déteste, est-ce que j'ai raté ma vie? Je vois rien dans mon futur, car mon passé est obscur. À présent, je suis dos au mur. Faut-il mourir?